Leçon 2. Document 1, page 52. J'aime beaucoup le salon. Et voilà la cuisine équipée. Entrez, mesdames. Vous avez une cuisinière avec un four, un frigo avec un congélateur et un lave-vaisselle. L'évier est très grand. Oui, c'est bien. Et tu as beaucoup de place libre. Là, tu peux mettre ta cafetière, ton mixeur. Oui, c'est vrai, c'est pratique. Ça vous plaît, madame? Oui, ça me plaît, mais je dois parler à mon mari. Eh bien, tu lui téléphones. Maintenant? Oui, tu as raison. Excusez-moi, je lui parle une minute et je reviens. Allô, Norbert? Elle veut lui parler parce qu'il passe beaucoup de temps dans la cuisine. Ah bon? Oui, elle a un mari idéal. Il adore faire la cuisine, il fait les courses...